Chapitre 2. Le lendemain soir, l'émir, quand la lune mettait son mystère sur les feuillages, conduisit Guillaume à travers les jardins, dont nul n'avait jamais obtenu l'entrée à ces heures de nuit. Les roses dormaient sur les rosiers, et près des roses les rossignols, et dans les kiosques veillaient les sultanes. Ces minces petites lumières, le parfum des fleurs et le silence faisaient une si violente promesse de bonheur que l'on sentait qu'il allait éclater quelque enchantement. Les deux hommes s'assirent sur des tapis, au-dessous d'un balcon obscur, qu'enveloppait de longues glycines. On entendit un bruissement de plantes et de soies froissées, puis une voix saisissante s'éleva. La rose, dans sa brève saison, se hausse par-dessus les clôtures, et le rossignol l'émerveille en lui racontant l'univers. Rose fortunée de courir le monde en esprit sur l'aile du rossignol. Moi j'ignore les voyages, les périls, l'étonnement. Et si la rose tient ses couleurs des blessures du rossignol, nul cœur devant moi ne saigne. » Il y eut un silence plein de ténèbres et de parfums, et puis la voix reprit. « Les fleurs ont-elles vécu avant que le maître ait passé, dans les jardins déserts et sur les tapis éclatants, que de proies pour la douleur et pour l'amour ?» Quand la musulmane chantait, les paroles pourtant si tendres faisaient la moindre importance de cet enchantement. Mais un cœur fier éclatait, une eau fraîche jaillissait sur des mains brûlantes de fièvre. Elle murmurait des cris insensés qui enthousiasment le sang. « Je suis vivante » ou bien « Je suis reconnaissante » et les mots « jeunesse » et « mourir » et l'on était épouvanté de se sentir ravi d'une mortelle poésie. Après chaque strophe, elle avait une pause, un temps de rêverie, puis une sorte de gémissement en note vague et suspendait de se raconter pour qu'on suivît mieux son sillage comme la fusée à mi-route des étoiles, épanouit son cœur brûlant et retombe en gerbe de feu. « Et quoi ?» se disait le jeune homme. « Serions-nous tous deux dans le monde ?» Ce n'était pas des confidences qu'elle murmurait ce soir aux étoiles. Ce n'était aucun appel. Ses cadences caressantes, mais à ciel ouvert, les éclats d'une conscience brûlant au fond du harem. Les mots, mal discrets, sa voix les enveloppait d'un tendre mystère. Jamais elle ne désignait tout droit un sentiment. Elle l'entourait, le dessinait, comme font les pas d'une danseuse, il le jetait de ses deux mains tout vives dans les âmes. Par cette chaude nuit violette, son chant soulevait des mousselines lamées d'or et d'argent, pour découvrir, croyait-on, les heures secrètes d'une jeune femme. Mais déjà il s'enfuyait, et sa confidence, toujours reprise et refusée, en mêlant à d'extrême douceur des minutes d'irrisation, blessait mortellement le cœur. Sans lassitude, la sarrasine, multipliant ses thèmes dans la nuit, égrena sur la roseraie le rosaire de ses nocturnes. À la fois chaste et brûlante, elle montait de la langueur au délire, pour redescendre au soupir, et parfois endolorie comme un papillon dans les mailles d'un filet, d'autres fois guerrière et prête à tuer. Elle faisait jaillir du ciel et de la terre tout ce qu'ils peuvent contenir de pathétiques voluptueux. « Elle va mourir, » pensait le jeune homme. « On a vu des rossignols expirer dans leur cantilène. Comment une telle force ne brise-t-elle pas un gosier de femme ? Est-ce donc un monstre qui palpite sous ses glycines du balcon ?